Livre septième, chapitre 6. Effet que peuvent produire sept jurons en plein air. Te deum laudamus, s'écria Maître Jehan en sortant de son trou. Voilà les deux chats-huants partis. Hoc, hoc, ax, pax, max, les puces, les chiens enragés, le diable, j'en ai assez de leur conversation. La tête me bourdonne comme un clocher. Du fromage moisi par-dessus le marché. Sus, descendons, prenons l'escarcelle du grand frère et convertissons toutes ces monnaies en bouteilles. Il jeta un coup d'œil de tendresse et d'admiration à l'intérieur de la précieuse escarcelle, rajusta sa toilette, frotta ses bottines, épousseta ses pauvres manches mahoîtres, toutes grises de cendre, siffla un air, pirouetta une gambade, examina s'il ne restait pas quelque chose à prendre dans la cellule, grappilla çà et là sur le fourneau quelque amulette de verroterie bonne à donner en guise de bijoux à Isabeau la Thierry. Enfin, ouvrit la porte, que son frère avait laissée ouverte par une dernière indulgence, et qu'il laissa ouverte à son tour par une dernière malice, et descendit l'escalier circulaire en sautillant comme un oiseau. Au milieu des ténèbres de la vis, il coudoya quelque chose qui se rangea en grognant. Il présuma que c'était Quasimodo, et cela lui parut si drôle qu'il descendit le reste de l'escalier en se tenant les côtes de rire. En débouchant sur la place, il riait encore. Il frappa du pied quand il se trouva à terre. « Oh ! Dit-il, bon et honorable pavé de Paris ! Maudit escalier à essouffler les anges de l'échelle Jacob ! À quoi pensais-je de m'aller fourrer dans cette vrille de pierre qui perce le ciel ? Le tout pour manger du fromage barbu et pour voir les clochers de Paris par cette lucarne. » Il fit quelques pas et aperçut les deux chats-huants, c'est-à-dire Don Claude et Maître Jacques Charmolue, en contemplation devant une sculpture du portail. Il s'approcha d'eux sur la pointe des pieds et entendit l'archidiacre qui disait tout bas à Charmolue « C'est Guillaume de Paris qui a fait graver un job sur cette pierre couleur lapis-lazuli dorée par les bords. Job figure sur la pierre philosophale qui doit être éprouvée et martyrisée aussi pour devenir parfaite, comme dirait mon Lulle. Subconservatione formae, spécifiée, salva anima. Cela m'est bien égal, dit Jehan. C'est moi qui ai la bourse. En ce moment, il entendit une voix forte et sonore articuler une série formidable de jurons. Sans Dieu, ventre Dieu, bédieu, corps de Dieu, nombril de Belzébuth, nom d'un pape, corne et tonnerre. Sur mon âme, s'écria Jehan, ce ne peut être que mon ami le capitaine Phébus. Ce nom de Phébus arriva aux oreilles de l'archidiacre au moment où il expliquait au procureur du roi le dragon qui cache sa queue dans un bain d'où sort de la fumée et une tête de roi. Don Claude tressaillit, s'interrompit à la grande stupeur de Charmolue, se retourna et vit son frère Jehan qui abordait un grand officier à la porte du logis Gondelaurier. C'était en effet Monsieur le Capitaine Phébus de Châteaupers. Il était adossé à l'angle de la maison de sa fiancée et il jurait comme un païen. « Ma foi, Capitaine Phébus, dit Jehan en lui prenant la main, vous sacrez avec une verve admirable. « Corne et tonnerre, répondit le capitaine. « Corne et tonnerre vous-même, répliqua l'écolier. « Or ça, gentil capitaine, d'où vous vient ce débordement de belles paroles ? « Pardon, bon camarade Jehan, s'écria Phébus en lui secouant la main. Cheval lancé ne s'arrête pas court. Or, je jurais au grand galop. Je viens de chez ces bégueules, et j'en sors. J'ai toujours la gorge pleine de jurements. Il faut que je les crache, ou j'étoufferai, ventre et tonnerre. « Voulez-vous venir boire ? Demanda l'écolier. Cette proposition calma le capitaine. « Je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. » « J'en ai, moi. Bah, voyons. Jehan étala l'escarcelle aux yeux du capitaine avec majesté et simplicité. Cependant, l'archidiacre qui avait laissé là Charmolue ébahi était venu jusqu'à eux et s'était arrêté à quelques pas, les observant tous deux sans qu'ils prissent garde à lui, tant la contemplation de l'escarcelle les absorbait. Phoebus s'écria : Une bourse dans votre poche, Jehan, c'est la lune dans un seau d'eau. On l'y voit, mais elle n'y est pas. Il n'y a que l'ombre, par Dieu. Gageons que ce sont des cailloux. Jehan répondit froidement : Voilà les cailloux dont je cailloute mon gousset. Et sans ajouter une parole, il vida l'escarcelle sur une borne voisine, de l'air d'un Romain sauvant la patrie. Vrai Dieu ! Grommela Phoebus. Des targes, des grands blancs, des petits blancs, des mailles d'un tournoi les deux, des deniers parisis, de vrais liards à l'aigle. C'est éblouissant. Jehan demeurait digne et impassible. Quelques liards avaient roulé dans la boue. Le capitaine, dans son enthousiasme, se baissa pour les ramasser. Jehan le retint. « Fi, capitaine Phoebus de Châteaupers !» Phoebus compta la monnaie et se tournant avec solennité vers Jehan. « Savez-vous, Jehan, qu'il y a 23 sous parisis ? Qui avez-vous donc dévalisé cette nuit rue Coupe-Gueule ?» Jehan rejeta en arrière sa tête blonde et bouclée et dit en fermant à demi les yeux, dédaigneux, « On a un frère archidiacre et imbécile. »« Corne de Dieu !» s'écria Phoebus. « Le digne homme !»« Allons boire !» dit Jehan. « Où irons-nous ? » dit Phoebus. « À la pomme d'Ève ?»« Non, capitaine, allons à la vieille science. Une vieille qui scie une anse. C'est un rébus, j'aime cela. »« Foin des rébus, Jehan. Le vin est meilleur à la pomme d'Ève. Et puis, à côté de la porte, il y a une vigne au soleil qui m'égaie quand je bois. Eh bien, va pour Ève et sa pomme, dit l'écolier. Et prenant le bras de Phoebus, à propos, mon cher capitaine, vous avez dit tout à l'heure la rue Coupe-Gueule. C'est fort mal parlé. On n'est plus si barbare à présent. On dit la rue Coupe-Gorge. Les deux amis se mirent en route vers la pomme d'Ève. Il est inutile de dire qu'ils avaient d'abord ramassé l'argent et que l'archidiacre les suivait. L'archidiacre les suivait, sombre et hagard. Était-ce là le Phoebus dont le nom maudit, depuis son entrevue avec Gringoire, se mêlait à toutes ses pensées ? Il ne le savait, mais enfin, c'était un Phoebus. Et ce nom magique suffisait pour que l'archidiacre suivît à pas de loup les deux insouciants compagnons, écoutant leurs paroles et observant leurs moindres gestes, avec une anxiété attentive. Du reste, rien de plus facile que d'entendre tout ce qu'ils disaient, tant ils parlaient haut, fort peu gênés de mettre les passants de moitié dans leur confidence. Ils parlaient duel, fille, cruche, folie. Au détour d'une rue, le bruit d'un tambour de basque leur vint d'un carrefour voisin, dont Claude entendit l'officier qui disait à l'écolier « Tonnerre, doublons le pas !»« Pourquoi, Phoebus ? J'ai peur que la bohémienne ne me voie. »« Quelle bohémienne ? La petite qui a une chèvre. »« La Smeralda ? Justement, Jehan, j'oublie toujours son diable de nom. Dépêchons, elle me reconnaîtrait. Je ne veux pas que cette fille m'accoste dans la rue. Est-ce que vous la connaissez, Phoebus ? » Ici, l'archidiacre vit Phoebus ricaner, se pencher à l'oreille de Jehan et lui dire quelques mots tout bas. Puis Phoebus éclata de rire et secoua la tête d'un air triomphant. « En vérité ? » dit Jehan. « Sur mon âme ! » dit Phoebus. « Ce soir ? » ?»« Ce soir. » « Êtes-vous sûr qu'elle viendra ? » ?»« Mais êtes-vous fou, Jehan ? Est-ce qu'on doute de ces choses-là ? » ?»« Capitaine Phoebus ! » Vous êtes un heureux gendarme. » L'archidiacre entendit toute cette conversation. Ses dents claquèrent. Un frisson visible aux yeux parcourut tout son corps. Il s'arrêta un moment, s'appuya à une borne, comme un homme ivre. Puis, il reprit la piste des deux joyeux drôles. Au moment où il les rejoignit, ils avaient changé de conversation. Il les entendit chanter à tue-tête le vieux refrain. Les enfants des petits carreaux se font pendre comme des veaux.